Le fantôme d'Asiadé, d'après Pierre Loti. Lu par Xavier Gallet. Réalisation, Baptiste Guiton. Épisode 2. Pourtant, il se peut qu'elle vive. Depuis bien longtemps, cette pensée-là ne s'était plus présentée à moi d'une manière aussi poignante. En effet, puisque je ne sais pas, puisque je ne suis sûr de rien, il n'est donc pas impossible que bientôt, dans si peu de jours que j'en frémis comme si ce devait être demain, je me retrouve en sa présence, Asiadé, rencontrer de nouveau son regard, que je m'étais habitué à croire mort, son regard de douleur ou de sourire. Et comment serait-elle alors? Comment serait son visage de 28 ans? Dans toute sa beauté de femme, me réapparaîtrait-elle la petite fille d'autrefois, svelte, aux yeux verts de mer, ou bien flétrie, qui sait, finie à jamais en tant que créature de chair et d'amour, peu importe du reste. Je l'aime encore. Au petit jour, un employé à voix étrangère vient avertir les passagers dans leur cabine que l'entrée du Bosphore est proche. Je venais à peine de m'endormir, ayant passé la nuit à songer, et je me réveille en sursaut avec une commotion au cœur, rien qu'à ce nom de Bosphore. Sur le pont où il fait froid, un à un, les passagers apparaissent, indifférents, eux, et simplement déçus de ce qu'on leur montre. En effet, l'entrée du Bosphore est plutôt maussade, là-bas, entre ces montagnes d'aspect quelconque qui s'esquissent encore confusément en teintes sombres. C'est un lever de jour d'automne, gris et brumeux, sous un immobile ciel bas. On ne verra presque rien, avec ces bancs de brouillard qui traînent comme des voiles. Bien fâcheux pour ces touristes, l'effet d'arrivée sera manqué. Je n'avais pas vu hier au soir les passagers de troisième classe qui encombrent le pont. Ce sont bien de vrais Turcs, ceux-ci, les hommes en caftan, les femmes voilées. Et puis, tout à coup, comme nous approchons de la terre, il nous arrive une senteur pénétrante, spéciale, exquise à mes sens, une senteur jadis si bien connue et depuis longtemps oubliée, la senteur de la terre turque, quelque chose qui vient des plantes ou des hommes. Je ne sais. Alors, brusquement, il se fait dans mon existence comme un trou de 10 années, un effondrement de tout ce qui s'est passé depuis ce jour d'angoisse où j'ai quitté Istanbul. Et je me retrouve complètement en Turquie, avant même d'y avoir remis les pieds. Comme si une certaine âme mienne qui n'en serait jamais partie venait de reprendre possession de mon corps irresponsable et errant. nous descendons le Bosphore. Je reconnais tout. Nous passons devant ces cimetières où il y a tout au bord de l'eau, sous les hauts cyprès géants aux troncs roses, au feuillage noir, des tombes de femmes. Je les regarde beaucoup, ces tombes. Déjà, voici les kiosques impériaux, les grands harems, la série des palais tout blancs au quai de marbre. Fouillis des paquebots, des voiliers, portant tous les pavillons d'Europe, des fumées noires au-dessus desquelles montent, là-bas dans le ciel clair, les dômes des mosquées. Le mouillage est bruyant. 100 caïques nous prennent à l'assaut. L'invasion furieuse des bateliers, des douaniers, des portefaix. Tous ces gens qui montent à bord comme une marée crient. Je me mêle moi-même à tout ce bruit. D'ailleurs, les mots turcs, même les plus oubliés, me reviennent tous ensemble. Je discute de questions qui me sont absolument indifférentes par besoin de m'agiter, de parler. Jusque dans la barque où je suis maintenant installé avec mes valises, je continue, je ne sais quel marchandage. Enfin, je me trouve à terre, sur le quai de la majestueuse Istanbul. Après plus d'une heure perdue en formalité de douane, de passeport sur ces quais, dans ce quartier bas de Galata, rempli toujours du même grouillement étrange et de la même clameur, me voici cependant installé à l'hôtel que les touristes encombrent. Bientôt 10 heures. Quel gaspillage de temps! Quand mes moindres minutes devraient être comptées. Et puis, il faut déjeuner, ouvrir ses malles, faire sa toilette, et le temps continue de fuir. Mon Dieu, qui sait ce que j'aurais appris au terme de ces 3 jours? Peut-être rien. Je ne réussirai jamais. Je ne trouverai pas. Anakhtar Shiraz, qui habite au faubourg de Kassim Pacha, dans une maison basse, sur la place d'Hadji Ali. À côté, il y a un marchand de fruits, et en face, il y a un enfant qui vend des tarbouks. On m'a promis de m'amener un homme qui connaît tous les recoins de la grande Istanbul. J'ai besoin pour mon enquête de quelqu'un d'habile, de vif. On me répète avec un calme exaspérant qu'il va venir. Et le temps passe toujours et il n'arrive pas. Déjà plus de midi et demi. Mon Dieu, que de temps perdu quand je n'ai que 3 jours. C'est comme dans mes rêves. Tout m'empêche. C'est mon guide. On me présente un jeune Albanais, maigre, pieds nus. Il est tout dépenaillé, la chemise en lambeaux. Il porte 2 culottes percées l'une sur l'autre. Il doit se figurer que les trous ne coïncident pas et qu'il est fort convenable ainsi. Il me sourit. Il lui manque un œil. C'est mon guide. Je lui présente l'adresse. Anakhtar Shiraz, qui habite au faubourg de Kassim Pacha, dans une maison basse, sur la place d'Hadji Ali. À côté, il y a un marchand de fruits, et en face, il y a un enfant qui vend des tarbouks. Il sait très bien où est la place d'Hadji Ali. Il va m'y conduire en hâte. Nous irons plus vite à pied, dit-il, nous gagnerons du temps par des raccourcis qu'il connaît, par des rues où ni voiture ni chevaux ne sauraient passer. Et enfin, nous voici dehors. Je marche d'un pas rapide, avec la fièvre d'arriver. avec l'impression physique d'être devenu léger, léger, de glisser, pour ainsi dire, sans toucher le sol. Je tiens à la main le précieux petit grimoire conducteur sur lequel tout mon plan repose, l'adresse où j'envoyais mes lettres. Dans ma tête, j'entends bruire le sang qui circule plus vite que de coutume. Je voudrais courir sans ce guide que je traîne comme une entrave. Où me fait-il passer? Pourvu qu'il ait compris. Voici des édifices neufs que je ne reconnais pas. Tout est changé. Voici, hélas, quelques essais nouveaux de boutiques à l'européenne avec des devantures vitrées. Et voici même quelques bandes d'étrangers ahuris, touristes des agences, évidemment, qui passent en se serrant les coudes, promenés à toute vapeur par des guides effrontés. Je crois que, décidément, je préfère les touristes anglais, malgré leur air de marcher en pays conquis, aux Français gouailleurs, qui se plaignent des rues mal pavées, qui ne voient dans les bazars que les quelques articles de Paris étalés ça et là, et inclinent à penser que ces vieux marchands à turban accroupis dans des niches font venir leurs tapis du Bon Marché ou du Louvre. Et ils partiront tous ayant vu Istanbul. Et ils crieront même à la mauvaise foi musulmane parce qu'ils auront été volés, pillés par la plèbe des guides et des interprètes. Ah, de vieux quartiers turcs maintenant. Des petites ruelles tortueuses. Nous descendons dans un bas-fond où je commence à me retrouver un peu chez moi. Derrière ce tournant, là-bas, il doit y avoir un couvent de derviches. Oui, il est là encore. Sans ralentir mon pas, je jette un coup d'œil entre les barreaux de fer des fenêtres. Toujours les mêmes vieux cercueils, couverts des mêmes vieux châles et coiffés des mêmes vieux turbans, le tout à peine plus mangé qu'autrefois par la moisissure et les vers. De plus en plus, je me reconnais. Nous devons même approcher beaucoup, être tout près maintenant. Oui, ce café, le café où quelques jours avant mon départ, Ahmet m'avait présenté à Anaktar Shiraz. Sur les banquettes, on cause très peu et à voix basse. On est là pour se recueillir et penser. C'est l'un des refuges de cette vie contemplative et débonnaire que l'Europe ne saurait plus longtemps tolérer et qui ne se retrouvera bientôt nulle part. Je vais m'asseoir à l'écart, sur ces tabourets, dans le jardinet ensoleillé de ce petit café, là, sous les treilles jaunies, contre le mur antique, à la même place où autrefois j'étais venu avec Ahmet. Je demanderai un narguilé, comme quelqu'un du pays, et le guide ira de droite et de gauche aux informations. Je me rappelle, il y avait un violoniste qui, lorsqu'il m'avait vu, s'était mis à jouer frénétiquement des airs d'opérette dans le but probable de me faire plaisir. Moi, je sais bien ce que je ferai, Lottie, quand tu seras reparti dans ton pays. Je mènerai joyeuse vie et je serai ivre tous les jours. Un violoniste comme lui me suivra du matin jusqu'au soir. Je mangerai mon argent, mais cela m'est égal, car quand tu seras marié et que tu seras riche, tu viendras me chercher et là-bas, dans ton pays, Ahmet sera ton domestique. Tu ne me paieras pas plus qu'Istanbul, mais je serai près de toi. Et c'est tout ce que je demande. Alors je lui pris la main. Sa main tremblait dans la mienne et la serrait plus qu'il n'eût été nécessaire. Ahmet avait été à mon service corps et âme. Il mettait en jeu chaque soir sa liberté et sa vie en bravant pour moi tant de dangers. Il ramait jusqu'au matin dans sa barque pour veiller sur la nôtre ou bien m'attendait toute la nuit. Quel que soit le lieu et le costume que je choisissais, je le trouvais partout dans mon ombre. Il est devant moi, essoufflé, mon guide. Il me sourit. Comment ça, une erreur? Le guide me dit que j'ai dû faire une erreur, ou que mon papier est faux. Dans le voisinage, personne ne connaît Anakhtar Shiraz, mais je suis bien sûr, moi, pourtant, qu'elle était d'ici, tout près. Puisqu'elle sortait de chez elle, cette femme, quand Achmet l'avait amenée ici pour me faire faire sa connaissance et la prier de recevoir pour lui les lettres que j'écrirais de mon pays. Si elle est morte, il est impossible que quelqu'un, au moins, ne s'en souvienne pas. Qu'il retourne interroger les anciens du quartier. Qu'il insiste. Je doublerai la récompense promise. Un quart d'heure d'impatiente attente. Il reparaît, agitant d'un air de triomphe un bout de papier crayonné. Un vieil Arménien, qui la connaît très bien, a écrit là-dessus sa nouvelle adresse. Elle n'est pas morte, mais elle a déménagé depuis 3 ans pour aller habiter très loin d'ici, à Pri-Pacha, dans l'extrême banlieue, près des grands cimetières israélites. J'ai une trace, une piste à peu près sûre, à laquelle j'aime mieux m'attacher que d'essayer autre chose de plus incertain. Vite, qu'on aille n'importe où chercher 2 chevaux scellés. Il nous faut repasser par tous ces lieux jadis si familiers que je traversais les matins d'hiver, du temps où je devais retourner tous les soirs à bord de mon navire après des nuits délicieuses. Nous allons en hâte, mettant nos chevaux au trot chaque fois que c'est possible. Tantôt nous descendons dans des fondrières, tantôt nous montons sur des hauteurs toujours un peu désolées au sol aride. On dirait qu'une cendre recouvre ce pays sur lequel trop de races d'hommes ont passé, trop de civilisations, trop d'épuisantes splendeurs. Un ravin plus profond se présente à nous où il faut descendre. Tout au bas, sous des platanes, à Pri-Pacha où nous avons fini par arriver, nous trouvons, après avoir interrogé les passants de la rue, la maisonnette de cette vieille Arménienne de qui dépend tout le résultat de mon pèlerinage, et je suis anxieux en frappant à la porte. 2 fois, 3 fois, le frappoir résonne très fort. Personne ne vient ouvrir. Et d'ailleurs, les fenêtres sont closes. Mais un juif, caduc, centenaire pour le moins, sort avec effarement d'une maison voisine. Il nous apprend que la vieille Anakhtar Shiraz est partie hier pour aller s'établir auprès d'une de ses parentes qui est bien malade, là-bas, à Kassim Pacha, tout à côté de son ancienne demeure. D'où nous arrivons? Que faire? Le temps passe. Il doit être tard, le soleil baisse. Une fois la nuit venue, il n'y a plus rien à tenter à Istanbul. Et j'aurais déjà perdu une journée après celle-ci qui va finir. Tout va tellement comme dans mon rêve. Ces entraves accumulées, cette angoisse de n'avoir pas le temps d'arriver jusqu'au but, depuis 10 ans, constamment, je suis poursuivi en rêve par cette vision toujours la même. Mon navire fait à Istanbul une relâche inattendue, rapide, furtive. Ce Istanbul revu en songe est étrange, agrandi, déformé, sinistre. En hâte, je descends à terre et 1000 choses m'empêchent d'avancer et mon anxiété va croissant à mesure que passe l'heure. Puis, tout de suite, vient le moment de l'appareillage et alors, sans avoir seulement rien retrouvé de sa trace égarée, j'éprouve tant d'angoisse que je me réveille. Ma tête se perd un peu. Allons-nous retourner sur nos pas jusqu'à ce Kassim Pacha d'où nous venons avec ses mauvais chevaux de louage qui ne veulent plus marcher? Ayoub, où j'avais fini par louer une maison, est là, tout près, juste en face, de l'autre côté de la Corne d'Or. Il n'est pas possible que dans ce quartier-là, quelqu'un ne me reconnaisse pas et ne consente à m'aider dans mes recherches. Donc, nous renvoyons nos chevaux. Nous descendons vers la berge pour prendre un caïc, choisissant un rameur jeune afin d'aller vite. Et bientôt, nous voici glissant, très légers, à grands coups d'aviron, sur l'eau tranquille. J'ai presque l'illusion de rentrer chez moi, de retrouver ma maison telle que je l'ai quittée, où je passais des nuits à l'attendre. Elle viendra. Tu en es certain, Achmet? Oui, cette fois elle viendra. Sa servante est désormais acquise à notre cause. Ce soir, je l'amènerai en caïque jusqu'à l'échelle des Youbs, devant ta maison. Et j'attendais là depuis 3 heures quand je vis un caïque parti d'Azarkapou qui venait vers moi. Achmet était aux avirons. Une femme voilée était assise à l'arrière sur des coussins. Je vis que c'était elle. Quand ils arrivèrent, je pris sa main sans dire un mot et l'entraînai en courant vers ma maison, oubliant le pauvre Achmet qui resta dehors. Et quand le rêve impossible fut accompli, quand elle fut là, dans cette chambre préparée pour elle, seule avec moi, je ne sus que me laisser tomber près d'elle. Depuis 1 mois, je ne faisais que toucher ses bras à travers les terribles barreaux de son balcon. Embrasser dans l'obscurité ses mains blanches ornées de bagues d'Orient, jusqu'à cette nuit, nous étions restés étrangers l'un à l'autre. Et inconnu. Maintenant, je lui disais beaucoup de choses dans cette langue que j'avais apprise pour elle, et elle m'interrogeait avec avidité. Où es-tu né? Où as-tu vécu? Quel âge as-tu? As-tu une mère? Crois-tu en Dieu? Es-tu allé dans le pays des hommes noirs? As-tu eu beaucoup de maîtresses? Es-tu un seigneur dans ton pays? J'aurais voulu manger le son de sa voix. Pour la première fois, elle me parlait et je comprenais. Severim Seni Lotim. On me l'avait dit avant dans une autre langue, cette déclaration d'amour solennel, mais cette douce musique frappait pour la première fois mes oreilles en langue turque. Severim Seni Lotim. Vous venez d'entendre Le fantôme d'Asiadé, 2e épisode. D'après les romans Asiadé et Fantôme d'Orient de Pierre Loti. Adaptation Florian Azoulay et Xavier Gallet. Lu par Xavier Gallet. Musique originale Olivier Innocenti. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage Julien Douminc, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Baptiste Guiton.